En France, il y a eu des élections municipales et une percée historique du Front national de Marine Le Pen. Ils n'ont jamais eu des scores aussi importants. Il y a des villes qui sont se retrouvées avec des maires d'extrême droite, parce que c'est ça, c'est un parti d'extrême droite. C'est certain qu'elle, elle a changé le parti de son père, parce que son père, Jean-Marie Le Pen, lui-même, il niait l'existence des chambres à gaz. Il avait déjà distribué les plus belles chansons, des albums de disques, des plus belles chansons du régime nazi. T'sais, le gars, il était vraiment antisémite, vraiment extrême droite. Elle a changé le look de son parti. Et là, évidemment, tous les intellectuels français sont en train de crier en disant « Comment ça se fait que le Front national a fait une telle percée? C'est épouvantable. » Ben, ils n'ont rien qu'à faire un peu une autocritique. Je pense que les gens étaient écœurés, un, de l'impuissance de la gauche qui ne fait rien. Regarde Hollande, impuissant, totalement paralysé. Oui. Son pays est en train de s'enfoncer. Tout ce qu'il sait faire, c'est augmenter les impôts puis les taxes, puis c'est tout, totalement impuissant. Et de l'autre, une droite qui est corrompue, empêtrée dans des histoires de corruption, de copinage avec des gens d'affaires, de bling-bling. C'est un rejet des élites, Richard. C'est écœuré des deux partis traditionnels. C'est ça, exact. C'est un rejet des élites. Il faut pas se casser la tête. Il y a un maire même qui a été élu Front national. Pensez-vous vraiment que ceux qui l'ont élu ont lu le programme du parti? Pas en tout. Moi, j'ai écouté le reportage à France 2. Regarde, ils en ont rien à foutre des élites. C'est un rejet des élites. Et les élus, en fait, ceux qui mènent, parce qu'il y aura un deuxième tour du Front national, il y en a beaucoup là-dedans qui ont fait des campagnes sur des enjeux locaux. Entre autres, le maire qui a été élu, je me souviens pas dans quelle ville, mais lui a fait une campagne, entre autres, sur les garderies dans son milieu. Donc, les gens se sont dit, ouais, il parle de nous autres. Puis les autres, on est tannés, fait qu'on va l'essayer. That's exactement. It. Alors que nous autres, on est en train de scraper le tiers parti. La CAQ, on dirait que c'est le seul parti qui arrive avec quelque chose, tu sais, un peu plus terre à terre. On est en train totalement de le scraper. On est content des deux partis traditionnels qui jouent au ping-pong. Alors qu'ils ont sont écœurés. Et il y a autre chose en France qui explique pourquoi le Front national a percé. Oui. C'est le retour du refoulé. C'est-à-dire qu'on a tenté de dire aux Français que la nation, c'était pas important. Céder une partie de votre autonomie à l'Europe. Il y a certaines décisions qui vous regardent, qui vont être prises par un comité européen totalement abstrait, qui siège très loin de vous autres. Vous aurez plus votre monnaie. L'immigration, on va ouvrir les portes au bout. Puis, tu sais, les Français sentent que leur nation, leur pays, leur culture est en train de leur échapper. On est en train de vouloir la dissoudre, soit dans l'Europe, soit dans n'importe où. Et là, les Français se sont dit, hey, attends une minute, là. On y tient, nous autres, à notre France. On y tient à notre franc. On y tient aux frontières. On trouve que c'est important. La France, c'est pas l'Italie, c'est pas la Belgique, c'est pas la Suisse. C'est pas vrai que vous allez commencer à vouloir détruire tous les pays pour faire comme un grand complexe là qui s'appellerait l'Europe. Puis je pense que les Français aussi se sont dit wow. Oui, très important. C'est à un moment donné, oui. Le wow. Vous tentez de nous enfoncer l'Europe dans la gorge, puis on n'en veut pas de ça. Le sapage de l'identitaire. Oui. Par l'eurocentrisme et les fonctionnaires eurocrates à Bruxelles. Bruxelles, es-tu allé voir ça à Bruxelles, les gros buildings de l'Union européenne? C'est bourré de fonctionnaires. Écoute, c'est rien, c'est des bureaucrates, ça parle comme l'OTAN, c'est que l'ONU, c'est-à-dire ça parle, ça fait des discours. Et eux autres, tu sais, avoir rien que le contrôle sur ta monnaie, en disant c'est chez nous la France, on va avoir le contrôle sur notre monnaie, puis quand on va avoir notre monnaie dans les mains, ben ça va être des personnages historiques de notre pays, de notre culture, tout ça. Je pense qu'il y a comme un retour, tu sais. C'est bien beau le dire. Il y a un nationalisme qui est complètement débile, mais il y a un nationalisme qui est normal aussi. Et quand ça s'est d'enlever ça aux gens, je pense que c'est ça, c'est le retour du refoulé. Les gens ont dit, ben regarde, le Front national, peut-être que le Front national apporte de mauvaises réponses, mais il pose des bonnes questions. C'est ça. Les sentiments d'insécurité liés à l'érosion de l'identitaire. Sauf que là-dedans vient se mélanger parfois, Richard, la haine de l'étranger, la suspicion. Oui. Tu comprends-tu, quand on ouvre cette porte-là, et au Québec, on n'est pas mieux, puis là, je fais pas d'amalgame boiteux avec la charte. Parle pas pantoute de ça, je sais qu'il y en a qui vont le faire, puis il y en a qui l'ont déjà fait. Mais ici, quand on a entendu les gens dire « ça nous prend une charte », il y a des personnes aussi qui sont venues dire. Il y a une gang de bozos là-dedans. Il y a une gang de bozos là-dedans. Donc, c'est très, très délicat. Il faut faire attention, mais tu sais, en même temps, quand tu mets la tête dans le sable, puis tu dis, il n'y a pas de problème avec l'immigration, il n'y a aucun problème, comme ils ont dit en France, non, puis même on va en accepter encore plus. Et les gens dans leur milieu, là, quand tu te sens, toi, en minorité, dans ton village, puis ça fait des générations que vous êtes là, puis là, tu te sens plus chez vous. C'est tout à fait légitime. Là, t'as de la difficulté, c'est ça que ça fait. À un moment donné, c'est la gauche, c'est la droite, ont pas parlé de ces sujets-là, puis là, ça leur bondit en pleine face. Ah, t'as tellement raison. D'ailleurs, tu m'ouvres la porte. Tantôt, dans l'émission, je sais pas quand, entre 11h et midi, je vais donner, je viens d'avoir les documents, c'est des documents internes du gouvernement, les nouvelles cibles d'immigration pour le Québec. Mais moi, je vais donner les chiffres sur les immigrants entrepreneurs et les immigrants investisseurs. Je vous le dis, vous allez être déçus. Écoute, vous allez être déçus. Ça me fait penser, tu sais, la secte Lev Tahar, là. Oui. Ces gens-là, ils sont depuis plusieurs années au Québec. Ils n'ont jamais travaillé. Ils sont tous sur le BS. Ils traitent leurs enfants comme des esclaves. Même, il y a des abus. Ils forcent les jeunes filles. Et ça, c'était Maître Julius Gray qui les a fait venir. Sous prétexte que, bon, il fallait ouvrir nos portes pour l'humanité, pour des critères humanistes à ces gens-là. Ces gens-là sont venus, puis ont vécu sur le BS tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont amené à la société québécoise? En exploitant leurs enfants, en plus, sous le radar de la DPJ, ou en fait... J'ai rien contre l'immigration, mais ce sera le fun aussi d'abord. Puis il y en a plein d'immigrants qui viennent ici, puis qui travaillent comme des fous, puis qui construisent des petites business, puis des petits restos, puis finalement, ça grossit. Puis ils lèguent ça à leurs enfants, puis ils embauchent des gens, puis ils font marcher l'économie. Mais tu sais, c'est pour faire venir des gens qui vont vivre pendant des années sur le BS, ça donne pas grand-chose. As-tu vu, avant d'aller au numéro 2 rapidement, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, à Saint-Sulpice, il y a des Chinois de Trois-Rivières qui avaient un dépanneur qui ont décidé de s'en aller à Saint-Sulpice. Bon, ils ont acheté un poste de gaz, une station d'essence. Ils sont actuellement victimes d'une campagne, bon, désorganisée, là, mais une campagne haineuse. Des gens qui blastent sur Facebook en disant « Moi, je boycotte la station-service. J'encourage les Québécois. Ce sont pas des Québécois, ce sont des Chinois, des voleurs de jobs. » C'est épouvantable. Je sais pas ce qui a vu passer ça. C'est ridicule. Ils préfèrent, eux autres, des Québécois de souche sud BS qui boivent leur bière à sa galerie plutôt que des immigrants qui travaillent fort. Ah ouais. Ça, actuellement, là, c'est une campagne d'intolérance à l'endroit de ces Chinois-là. C'est en cours, là, cette semaine. Je trouve ça pathétique. Mais regarde, c'est l'apanage d'une minorité, là, Richard. Complètement. Faut pas généraliser, mais quand même. Des morons, il y en a tout le temps, hein. Il y en avait avant nous autres, là, puis il va en avoir pareil, là. Mais si tu parles pas de ça, si tu parles pas d'immigration, si tu parles pas de tout ça, si tu mets ça sous le tapis tout le temps, à un moment donné, le tapis s'enlève, la poussière remonte, puis ça fait qu'il y a des groupes d'extrême droite qui sont élus. Absolument. Comme le Front National. C'est pas une bonne nouvelle que le Front National fait une percée comme ça. Très mauvaise. C'est pas un parti particulièrement génial. C'est un furoncle. C'est une maladie. Oui, exactement. C'est un furoncle. On y va avec le numéro 2.